Chers frères et sœurs, nous devons tirer les leçons de ce qui nous a précédé pour apprendre les exemples de ce qui nous a précédé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Tout le monde, chers frères et sœurs, connaît les fitnas. Mais les conséquences fâcheuses de celles-ci sont plus claires. Et d'exemples leur sont exposés. Parmi les pires fitnas qu'a connu la nation musulmane et qu'a failli détruire le khalife au temps des Umayyads est la fitna de Abdurrahman ibn al-Ash'ath. En l'an 81 de l'Hégire, selon Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, la cause de cette fitna est qu'au Al-Hajjaj, l'adjoint du khalife, Ibn Marwan, Aïssi ibn al-Ash'ath, et celui-ci l'a Aïssi aussi en retour. Malgré cela, quand Al-Hajjaj a décidé de combattre Rotbil, le roi des Turcs, et c'est Ibn al-Ash'ath qui l'a confié la tête des armées. Il a conquis beaucoup de villes, remporté beaucoup de victoires. À un moment donné, le commandant Ibn al-Ash'ath a jugé bon d'arrêter les conquêtes le temps que les guerriers se reposent et que la situation se stabilise dans les villes conquises. Ceci a déplu Al-Hajjaj, qui lui a écrit pour les réprimander et lui a ordonné de poursuivre la guerre. Alors Ibn al-Ash'ath a commencé à inciter les gens à se soulever contre Al-Hajjaj et à rejeter son autorité. Le père d'Ibn al-Ash'ath, qui était un grand poète et orateur, a dit aux gens que aux yeux de Al-Hajjaj, ils étaient comme des esclaves qui montent sur des cheveux. Et s'ils sont morts, alors c'est fini pour eux. Et s'ils survivent, ils retourneront à leur maître. Les gens ont juré allégeance à Ibn al-Ash'ath et ont rejeté l'autorité de Al-Hajjaj dans un premier temps, puis celle de Khalif Ibn Marwan lui-même. Ils ont alors délaissé la guerre des mécréants et se sont dirigés vers Bagdad pour combattre Al-Hajjaj. Quand celle-ci a eu vent de ce qui se préparait, il a demandé au Khalif l'aide nécessaire pour contrer Ibn al-Ash'ath et son armée, qui est devenue de plus en plus grande et qui est entrée à Bassoura, où de plus en plus de gens l'ont soutenu dans sa fitna. Malgré les lettres qui essayaient de le dissuader de réaliser ses objectifs, la situation s'est alors envenimée et la guerre a éclaté entre les deux camps, faisant un grand nombre de morts, et cela a duré longtemps. Le khalifa a alors essayé de négocier avec Ibn al-Ash'ath l'arrêt des hostilités en échange. Il destituerait Al-Hajjaj et nommerait Ibn al-Ash'ath prince de la région de son choix. Mais Ibn al-Ash'ath, il a refusé à cause de la pression des gens qui étaient avec lui. La guerre s'est alors poursuivie pendant 108 jours et a fini par la défaite de l'armée d'Ibn al-Ash'ath, qui se réfugia avec quelques-uns de ses compagnons chez Rotbil, le roi du Turc Al-Kafir. Ce dernier a finalement cédé aux pressions de Khalif Ibn Marwan et les lui a tout livré. Ils ont été traînés dans leur chaîne en route vers Bagdad, jusqu'à un moment où Ibn al-Ash'ath, dans une geste désespérée, a sauté des hauts d'un palais situé. Sa tête avec celle de ceux qui l'ont suivi ont été alors exposées partout en Irak. Al-Hafid Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est tellement curieux pour les gens qui lui ont juré fidélité et allégeance avec toutes les graves conséquences de cette fitna, rejeter l'autorité d'un khalifa, Abdel Malik Ibn Marwan, qui vient de Quraysh, et jurer allégeance à un indien, ce qui a provoqué une fitna inégalée et qui a causé la mort de dizaines de mille de gens. Nous sommes à Allah et à lui nous retournons. Fin de sa citation, rahimallah ta'ala. La fitna, chers frères, d'Ibn al-Ash'ath est une grande fitna qui a causé la discorde et a entraîné la mort de plus de 100 000 musulmans. Parmi les enseignements que l'on peut tirer de cet incident, le début de la fitna est toujours excitant et plein de jouissances et de tentations auxquelles cèdent les gens, sauf ce qu'Allah Azza wa Jalla a préservé. Quand arrivent les fitnas, ces victimes sont le bon et les libertins. Allah Azza wa Jalla a dit, et craignez une calamité qui n'infligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Quand la fitna est révolue, ceux qui l'ont suivi le regrettent amèrement en voyant tous les maux qu'il a causés. La cause de fitna Ibn al-Ash'ath et sa haine pour Al-Hajjaj, bien qu'il ait voulu yani lui donner de la légitimité et faire croire que c'est un combat pour la religion. Donc celui qui incite à la discorde et à la fitna, à le corps malade et contraire à la sunna. Cette fitna nous incite à ne pas prendre de décision hâtive et éviter d'accepter toutes les informations et les opinions et les idées et les jugements. Les ulama se réunissent ici quand surviennent les fitna pour en discuter et les exposer aux gens. Cependant, ils ont interdit de s'entretuer et de craindre les conséquences et ne pas se révolter contre l'autorité. Ibn Taymiyyah, rahimallah ta'ala, dit, c'est pour ça qu'Ahlus Sunnah wal Jama'ah n'accèdent pas de se révolter contre les imams et les combattre, même s'ils sont injustes, car selon un grand nombre des hadiths de prophètes, les conséquences de la fitna sont plus graves que celles de leur injustice. Le meilleur exemple de ce qui s'est passé en Somalie. Les Somaliens vivaient dans l'injustice et l'oppression. Et quand ils se sont levés contre Mohammed, leur gouverneur, ils ont connu une injustice plus sévère par l'absence de la paix et de la sécurité. Ce qui est aussi le cas de l'Irak, qui vivait une grande répression pendant le règne de Saddam. Mais quand celui-ci eu fitna, le peuple a vécu dans le tourment et le déchirement. Naam, chers frères et sœurs, nous, on ne dit pas qu'on est d'accord avec ce gouverneur. On sait qu'il y a des dogmes. On sait que ce gouverneur, il n'applique pas le sharia. Il n'applique pas le kitab wa sunna. Mais de tuer les musulmans et que le musulman rentre là-dedans pour massacrer les musulmans et qu'il tombe dans cette fitna et ils vont perdre beaucoup des sons qui vont partir là-dedans, ça c'est plus grave que patienter sur des gouverneurs comme ça. Donc il faut revenir, mes chers frères, il sort à la kitab wa sunna, parce que cette religion elle est magnifique. Donc qui veille à protéger les intérêts, minimiser les dégâts. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, de veiller sur le bien-être des musulmans et les protéger de tous les maux et épargner les intérêts de leur religion. Hada, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman kathira wa aqimis salam.